Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale, édition Mercato. Le 8 août 2018, journée très occupée pour les occupants des bureaux de l'Impact de Montréal. Quatre transactions aujourd'hui, trois impliquant des joueurs, une impliquant une place de joueur international qui a été acquis des Portland Timbers, les Timbers de Portland, pour 50 000 $ d'allocation générale. Et peut-être, si les conditions sont atteintes, un extra 40 000. Donc un total de 90 000 d'allocation générale pourrait coûter cette place qui annonçait la venue de Bakary Sagna, ancien international français, connu pour ses très belles performances avec Arsenal, évidemment, dans la Ligue anglaise, et aussi avec Manchester City. On va regarder l'historique un peu de la carrière de Bakary Sagna dans quelques instants. Les autres acquisitions de l'Impact de Montréal en cette journée, la dernière journée du Mercato, cette fenêtre des transferts à l'international qui se termine ce soir à minuit. Oui, il y a encore possibilité d'échange dans la Ligue Intra-Ligue pour encore quelques semaines. Il y a aussi la possibilité de signer des agents libres, mais pour ce qui est des joueurs internationaux, des transferts internationaux, les certificats de transfert devront être reçus avant minuit ce soir. Donc, aujourd'hui se terminent les emplettes de l'Impact de Montréal pour ce qui est de l'international. Donc, se joignant à l'Impact, on a parlé de Bakary Sagna. Deux échanges dans la Ligue Intra-Ligue. Quincy Amériquois de le Earthquakes de San Jose, les Quakes, s'en vient à Montréal contre Dominique Oduro. Oduro prend le chemin de San Jose et je vous suggère de rester jusqu'à la fin de l'émission. J'ai quelques anecdotes à vous conter de mes relations avec Dominique Oduro durant les quelques dernières années. Une anecdote qui en dit beaucoup sur son année 2018. On va parler de ça un petit peu plus tard. Et aussi, je vais vous voir les réseaux sociaux, sur mon fil Twitter. Dominique Oduro, un des meilleurs moments que j'ai depuis que je couvre l'Impact de Montréal depuis 2015, c'est une heure et demie après un match. Je suis en train de pacter mes petits, comme on dit. Je viens de terminer mon vidéo aux abords du terrain. Je mets tout dans mon sac et je me dirige vers la sortie. Dominique qui s'en vient vers moi avec une pointe de pizza dans la bouche. Je le regarde. Dominique, je peux pas prendre une photo. Il prend le temps de poser, de prendre une bouchée de sa pizza. Et oui, c'est un petit peu le genre de personne que Dominique Oduro est. On lui souhaite que du bien. Et surtout de jouer, ce qui n'a pas été le cas, en 2018 avec l'Impact, en espérant qu'il a une chance de fouler le terrain au Avaya Stadium à Santa Clara, pour ne pas dire San Jose, dans le nord de la Californie. Avec Quincy Amériquois et aussi Bakary Sagna se joint à l'Impact, Michael Azira, un international ougandais, qui a une green card, comme on pourrait dire en bon français, donc une carte verte américaine, qui fait qu'il compte comme un Américain, comme un domestique, dans la MLS. Donc, pas besoin de place internationale pour Azira, pas besoin de place internationale pour Quincy Amériquois. Bakary Sagna va prendre la place internationale que l'Impact a acquis avec les Timbers de Portland, et Zachary Diallo s'occupera de l'autre place internationale que l'Impact avait fait l'acquisition pour un certain Jimmy Briand, qui ne verra jamais la pelouse du stade Saputo. Ça, j'en suis pas mal sûr. Commençons pour parler un peu de Michael Azira. Un parcours un peu atypique pour l'Ougandais, qui a été très impliqué avec les Mississippi Brilla en 2010-2011. Il a aussi coaché au Mississippi, il a coaché à Mobile en Alabama aussi. 2012-2013, au circuit professionnel dans la USL avec le Charleston, le Battery Charleston. Dans le temps, 2012-2013, le Battery de Charleston était dans la NASL. Donc, 2012-2013 avec le Charleston de Battery. Le Battery ensuite l'a transféré en 2014 aux Sounders de Seattle. Donc, il a joué 25 matchs avec les Sounders. Milieu de terrain défensif, aucun but avec les Seattle Sounders. Et suite à une certaine blessure, il a fait un match avec le Seattle Sounders 2. L'équipe affiliée, carrément l'équipe école des Sounders de Seattle dans la USL. Ensuite, pour les Colorado Rapids, c'est là qu'il a connu ses meilleurs moments dans la MLS. Trois saisons de 2016 jusqu'à présent. 66 matchs dans la MLS pour Michael Azira. Encore une fois, aucun but, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas son dada. Le but de Azira n'est pas de marquer des buts. Justement, le but de Azira, c'est d'en empêcher en milieu défensif. Donc, on pourrait voir Michael Azira, lorsqu'il jouera pour l'Impact, peut-être aux côtés d'un Samuel Piet, en une défensive, un milieu défensif à deux, qui pourrait envoyer Saphir Tader un petit peu plus haut sur le terrain et est capable de continuer de contribuer à l'attaque comme il l'a fait durant les dernières semaines, mais aussi de pouvoir changer un petit peu son rôle, lui enlever un petit peu de responsabilité défensive et de mettre Azira avec Piet en tant que milieu défensif. C'est encore à voir. On va voir à l'entraînement durant le reste de la semaine et surtout la semaine prochaine. Je me doute qu'on ne verra pas peut-être Azira ni Amariquois ce samedi soir. Sagna, on verra aussi. On est quand même tard dans la semaine. Mercredi, et Rémi Garde a toujours mentionné, il aime avoir des semaines complètes d'entraînement pour un joueur avant qu'il fasse ses débuts pour le club. Donc, je ne serais pas surpris de les voir la semaine prochaine, lorsque l'Impact sera à Montréal contre le Chicago Fire, qui vient de gagner dans le US Open Cup. Excusez-moi, ils ont perdu contre le Philadelphia Union 2-0. Donc, éliminé de la US Open Cup, qui est l'équivalent américain de la Coupe des Voyageurs, le championnat canadien, qui débute à 10h ce soir. Si vous écoutez en podcast, on ne sait pas encore de Vancouver ou Toronto qui va gagner, mais c'est le premier match. Le match aller sera la semaine prochaine, mercredi soir aussi, au BMO Field. Mais pour Michael Azira, donc, son parcours, ce que son parcours me montre, c'est le travail. Et je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce cas-ci. Un joueur qui est prêt à travailler et à donner 100% de ses capacités à l'entraînement et surtout dans les matchs. Et un joueur qui pourrait bien être très dans les bonnes grâces, comme on pourrait dire, de Rémi Garde très prochainement. Maintenant, pensons à Quincy Amariquois avant de terminer avec Bakary Sagna. Quincy Amariquois qui n'a pas eu des saisons faciles depuis 2016, oui, son retour avec les Earthquakes depuis 2015 n'a pas été nécessairement aussi prolifique que ces deux années et demie qu'il a passé avec Chicago. Parlons un peu de son début de carrière. Il a été à UC Davis au collège, donc au nord de la Californie. C'est un Californien pur et dur du nord de la Californie, donc dans la région de la Bay Area. La région de la baie de San Francisco, où est situé San Jose aussi. Donc, il a joué pour les Bakersfield Brigades, qui était son équipe de collège aussi, et la USL PDL. Donc, lorsqu'un joueur joue collégial NCAA aux États-Unis, il ne perd pas son éligibilité, et c'est pas facile à dire, c'est 9h30 soir, USL Premier Development League, qui est la USL PDL, qui va être un équivalent éventuellement aussi de la USL D3, peut-être. Mais il a joué en été lors de la pause du soccer collégial pour les Bakersfield Brigades, mais a fait ses débuts professionnels avec les San Jose Earthquakes. En 2009, il était un choix de troisième ronde du Super Draft en 2009 par San Jose. Donc, un joueur de la région de San Francisco, San Jose, qui se fait repêcher par son équipe professionnelle de sa ville. Deux saisons quand même pas nécessairement fructueuses, mais c'est un début de carrière. 25 matchs en deux saisons. Un but marqué. Ensuite, avec les Rapids du Colorado, pour trois saisons de 2010 à 2012, 31 matchs, 3 buts. Ensuite, il y a eu un échange jusqu'à Toronto FC. Il n'a pas resté longtemps au Toronto FC, si on se rappelle 2012. Il était sûrement content de partir aussi. Toronto FC, 11 matchs, aucun but. Mais ses années les plus prolifiques se sont apparues entre 2013 et 2015, lorsqu'il a joué pour le Chicago Fire, 60 apparitions durant ses deux saisons et demie, avec 11 buts. C'est durant ces saisons qu'il a vraiment marqué beaucoup de buts, vous allez me dire oui, mais qui a marqué l'imaginaire de certains joueurs aussi et qui a forcé les San Jose Earthquakes d'aller le rechercher et de faire jouer ce jeune de la région encore pour San Jose. Malheureusement, 2016, grosse blessure au genou, le croisé antérieur déchiré et il y a eu beaucoup de misère à se reprendre et à revenir. Il est revenu le fin octobre, revenu 14 octobre, je crois. Il a marqué un but sur penalty et il a été nommé. Il n'a pas gagné, mais il a été nommé en nomination pour le Comeback Player of the Year, un trophée que la MLS remet chaque année, qui donne une petite accolade à un joueur qui revient de loin. Et une saison difficile et qui n'a jamais retrouvé le terrain à 100%. Ça nous dit qu'il y a une saison difficile en 2018. Si vous vous rappelez, seulement quelques semaines lorsque ça nous est venu à Montréal et on a vu de toutes les couleurs avec l'entraîneur Michael Staré. Donc, on pourrait bien voir ce joueur profiter d'un nouveau départ avec l'Impact. On s'entend, c'est Paul Sauveur, Quincy Amériquois. Quincy Amériquois vient en tant qu'option pour jouer, peut-être remplacer Marimon Kosu, tout dépendant de la blessure d'Anthony Jackson-Hamel. Anthony Jackson-Hamel qui n'a pas participé à l'entraînement ce matin. Donc, on va voir dans les prochains jours si c'est vraiment pour cause de blessure, s'il y a quoi que ce soit d'autre. Mais si la blessure à l'ischio gauche de Anthony Jackson-Hamel ne s'améliore pas dans les délais prochainement, il faut une autre option à l'Impact pour pallier trop de matchs joués à Matteo Mancosu, et Quincy Amériquois pourrait être un remplacement ou un super sub en fin de match pour l'Impact de Montréal. Oui, il y a quelques astérisques à côté du nom de Quincy Amériquois si on demande l'avis de certains fans et analystes du côté de San Jose. Un joueur qui n'est pas nécessairement toujours impliqué à 100% pour la cause de l'équipe, surtout durant les derniers mois, mais j'en prendrai puis j'en laisserai avec cette possibilité. Les ponts sont brûlés, comme on pourrait dire avec San Jose. Changement de décor, changement de pays, changement de langue, mais dans ce cas-ci, on va voir, il n'y aura pas vraiment de grandes différences. Il devra s'adapter un petit peu à les pratiques en français. Mais à part cela, je pense que c'est un mouvement personnel qui pourrait faire du bien à Amériquois, qui a joué ses meilleures années avec Chicago. Est-ce que l'Impact pourra recréer un style de jeu ou simplement trouver le moyen de lui faire un bon service et de le voir marquer des buts, si possible? Mais c'est vraiment une option pour la profondeur de l'équipe en tant que Quincy Amériquois. Donc, en ayant parlé de Michael Zira et de Quincy Amériquois, en passant, c'est la journée des A. Hein? Michael Zira, Quincy Amériquois, et terminons avec Bakary Sagnant. Bakary Sagnant, latéral droit, international français, qui a fait ses débuts professionnels en 2004 pour Auxerre dans la Ligue 1, même gagné la Coupe de France en 2005 avec Auxerre, ensuite avec Arsenal de 2007 à 2014, 213 matchs joués pour les Gunners avec 4 buts marqués, surtout des performances très défensives pour un latéral droit. Il est reconnu pour avoir gagné la FA Cup, pour avoir fini quatrième très souvent, on s'entend, c'est Arsenal, donc il a terminé quatrième à quelques reprises. Et aussi en 2014-2017 avec Manchester City, 54 apparitions pour Manchester City, Bakary Sagnant, qui a participé à la Coupe du Monde deux fois. 2010 est un petit peu à oublier, on se rappellera l'Afrique du Sud et un certain Nicolas Anelka qui a foutu le bordel, en bon français, dans le vestiaire des Bleus. Et Bakary Sagnant faisait partie de cette équipe. Même chose en 2014. Donc, après son passage en Manchester City, il a terminé après la saison 2016-2017. Donc, il a été quelques mois sans jouer avant de joindre Benevento de la Serie A dans le temps, qui est maintenant en Serie B, qui a été relégué depuis la dernière saison. Ce qui explique pourquoi il a été libéré de son contrat aussi. Il ne voulait pas jouer en Serie B. Donc, quelques mois sans jouer, en janvier 2018, il s'est entendu avec Benevento pour un contrat l'année 2018-2019. Mais Benevento étant relégué en Serie B, contrat est annulé et il se retrouvait libre comme l'air. L'Impact de Montréal est allé le chercher et ça l'a coûté seulement de 50 à 90 000 en l'échange avec les Portland de Timbers, Timbers de Portland, pour cette place de international, de joueur international. Bakary Sagnant a signé un contrat pour le reste de la saison 2018 avec une option pour la saison 2019 avec l'Impact de Montréal. Ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que oui, OK, on n'a pas de Jimmy Briand ou on n'a pas de marqueur reconnu qui a marqué 175 buts en une saison MLS. Mais ces joueurs-là, ils ne se trouvent pas, ils ne sont pas faciles à trouver, hein. On regarde dans l'historique, pas juste de l'Impact, mais dans l'historique de la Ligue au complet, les joueurs comme Joseph Martinez, là, ça se trouve pas partout. Là. On lève pas une roche, mais on trouve pas un joueur comme ça. L'Impact a réussi quand même, en la dernière journée du Mercato, de faire 4 mouvements de personnel, 3 incluant des joueurs, et à améliorer la profondeur de l'effectif. Si on se rappelle, Daniel Lovitz, qui a subi les symptômes de commotion cérébrale au cours des dernières semaines, Michael Petrasso, qui a reçu une grosse coupure aussi. On parle de Chris Duval, qui a une blessure aussi du côté gauche, si je me trompe bien ou si je ne me trompe pas, de l'ischio aussi du côté gauche. Donc, on parle des latérales maintenant qui étaient en trouble. On parle du côté latéral droit et gauche, mais surtout du droit qui se retrouvait présentement très mince. L'arrivée de Bakary Sagna apporte du leadership et on a vu qu'est-ce que Rod Fanny a pu faire depuis son arrivée avec l'Impact. Apporter un joueur qui a connu encore des plus gros moments de gloire, surtout côté club. L'apporter avec un Rudy Camacho, avec un Rod Fanny, la communication sera là. Il n'y aura pas de problème de langue, pas de problème d'expérience non plus. Les instincts seront similaires pour les trois joueurs. Et on pourrait voir une chimie s'installer très rapidement. Oui, Sagna, 35 ans, né en 1983, le 14 février 83. Donc, est-ce que c'est un signe que le public montréalais va tomber en amour avec Bakary Sagna à cause qu'il est né à la Saint-Valentin? Peut-être. Mais je pense que l'arrivée de Bakary Sagna a surpris beaucoup de personnes. Les premières rumeurs de Bakary Sagna sont arrivées en fin d'après-midi. Et boum! C'était fait, l'annonce du club. Et Bakary Sagna se joint à l'Impact de Montréal pour le reste de la saison et peut-être pour la saison 2019. Êtes-vous satisfait des transferts et des mouvements personnels de l'Impact? Vous pouvez nous en parler sur les réseaux sociaux, @surtransversal ou mon compte personnel, @kevlaramy, ou sur notre page Facebook au facebook.com/sur-la-transversal. Je voulais terminer l'émission spéciale ce soir en vous parlant de Dominique Oduro. Oui, Dominique Oduro, on s'entend, c'est pas le joueur qui était le plus talentueux ballon au pied, mais côté cœur, côté vitesse, côté homme, côté être humain, bon sens de l'humour, il a laissé sa place avec l'Impact de Montréal. Ce qu'on dirait dans le langage de Shakespeare, un journeyman, un joueur qui a voyagé beaucoup dans l'MLS. Plusieurs équipes, dont Toronto, Chicago, Columbus, et maintenant San Jose aussi, avaient trouvé une place, avaient trouvé une maison avec l'Impact, avaient trouvé un moyen de sortir l'épingle du jeu. Quelques reprises, des buts quand même importants, si on se rappelle le 2016 en série, surtout en 2016 exactement, lorsque l'Impact s'est rendu en finale de l'Est, et les quelques moments avant ça aussi, en Ligue des Champions, il y a eu ces moments. Durant la blessure qui a été très longue de Andrés Romero, on se rappellera que Dominique Oduro a joué un rôle d'ailier droit, d'attaquant milieu droit, qui n'est pas nécessairement sa position naturelle, mais qui a réussi à jouer et à tirer son épingle du jeu durant certains matchs. C'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement les qualités techniques, et c'est la raison pourquoi Rémi Garde n'a pas fait appel à ses services en 2018 jusqu'à présent, mais l'homme va nous manquer. L'homme était un des rares qu'on peut approcher, poser une question. Il va toujours avoir une réponse. Puis si on n'a pas de réponse, avoir une petite blague. Toujours avoir une bonne échange. Et je m'ennuie de parler à Dominique Oduro. Je vais être sérieux avec vous. L'Impact en 2018 et comment les procédures d'après-match dans le vestiaire ont changé un petit peu. On a un petit peu moins de liberté. Les joueurs viennent nous voir, on est dans le coin et on est tous en même temps pour leur poser des questions. Mais depuis quelques années, si vous regardez dans les archives de la version anglophone de Sur la transversale, qui était appelée Off the Woodworks, ou même Sur la transversale l'année passée, j'aimais ça aller parler à Dominique, aller poser quelques questions. Il y a toujours du bon, toujours des impressions intéressantes, des opinions intéressantes qu'il avait par rapport à plusieurs sujets dans la MLS. Un ami de Kai Camara, mais un ami de la Ligue au complet, qui écoute et qui est fan de soccer, même s'il n'a pas l'air d'être le gars qui est le plus talentueux au ballon. Je dois vous dire qu'il mangeait du soccer peut-être aussi souvent qu'il mangeait de la pizza. Je parlais un petit peu plus tôt aujourd'hui de l'anecdote que j'avais avec lui lorsqu'il a terminé un match et je l'ai croisé au Stade Saputo avec sa pointe de pizza dans la bouche. Vous pouvez voir sur mon fil Twitter pour voir la photo. Il y a une autre anecdote qui est arrivée cette année et j'en ai pas parlé durant qu'il était avec l'Impact parce que certains devoirs de réserve. Maintenant, Dominique Oduro a quitté pour San Jose. On peut parler de cette petite anecdote qui résume très bien son année de 2018. Donc, avant les matchs de l'Impact, salle des médias, on est là, on mange. Il est peut-être 20 minutes avant le début du match, Dominic Oduro passe dans la salle des médias, qui est en direction vers les vestiaires et vers les estrades, où il s'est fait une nouvelle maison en 2018. Il s'enfarge dans le podium et tombe à plat ventre sur le podium. Il se relève, il dit « Ben, c'est pas grave si je me blesse, je joue pas, Hanoué. » Oh! Oh! Comme le couteau qui est rentré dans le cœur quand j'ai entendu ça, je suis comme « Oh! » Il a raison. C'est ça qui fait mal. Mais, ouais, on n'a pas à sentir mal pour Dominic Oduro. Un très bon salaire pour ne pas avoir joué de match cette année, malheureusement. Très bon pour lui. C'est une bonne chose. J'espère qu'il aura la chance de jouer avec le San Jose Earthquakes. Oui, l'Impact fait une économie monétaire avec cet échange aussi pour le reste de la saison, mais la majorité du salaire, plus que la moitié du salaire déjà payé pour Oduro, donc le mal est déjà fait. Mais pour les années à venir, c'est un économie. Donc, Dominic Oduro, qui était toujours généreux de son temps avec les partisans, avec les supporters, avec les journalistes, on lui souhaite tout le bien qu'il mérite et qu'il désire. Et Dominique, si tu écoutes, même si tu ne parles pas français, Next Pizza, peut-être un prochain commanditaire pour toi dans la région de Santa Clara, sur Santa Clara Avenue, Next Pizza. En tout cas, c'est meilleur que Pizza Pizza. Ça, je peux le garantir. On ne mentionnera pas Papa John, parce que Papa John est tombé de très haut depuis quelques mois aussi. Si vous ne le savez pas, ce que Papa John a tweeté depuis quelques mois, je vous suggère de ne pas aller voir, premièrement. Et je vous suggère de ne pas manger dans aucun Papa John si vous allez aux États-Unis. Mais Dominique, Next Pizza, sur Santa Clara Avenue, tu ne seras pas déçu de la qualité de cette pizza. Sont très, très bonnes. Il y a du choix. Ouais. Non, ce n'est pas une commandite. Je ne suis pas payé par Next Pizza, mais je voulais lui donner une petite option au moins. T'sais, pour au moins continuer son amour de la pizza. Si jamais vous ne suivez pas Dominic Oduro sur les réseaux sociaux, je vous suggère @freakyfast8 et en même temps, suivez-nous à Kev Laramie et à sur Transversal et sur notre page Facebook, facebook.com/sur-la-transversale. Nous serons de retour samedi soir, très très tard, après le match RSL Montréal, le Real Salt Lake à domicile contre l'Impact de Montréal à 10h samedi soir. Donc après le match, nous ferons une émission en studio, comme ici présentement, pour parler de ce match et pour parler du reste des transactions qu'il a eu dans la Ligue durant cette semaine. Plusieurs transactions aujourd'hui, TFC, Vancouver et d'autres clubs américains ont renforcé leur effectif aujourd'hui. Et nous en parlerons en plus de détails lorsque nous les aurons tous. S'il y a d'autres transactions qui ont lieu d'ici la fin de la soirée, on va en parler samedi soir aussi. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter ce mercredi soir à 9h30 pour ceux qui nous écoutent en direct, pour ceux qui nous écoutent sur la balado-diffusion. Merci, s'il vous plaît, ne pas oublier de vous abonner à la balado-diffusion ou sur notre page Facebook, sur la transversale, oui, mais aussi sur le SPN, réseau de balado sportive, les deux endroits où vous pouvez trouver sur la transversale sur Facebook et partout où vous trouvez vos balado-diffusions. Donc, on parle de l'Apple Podcast, le iTunes Store, le Google Play Store, Balado Québec, Player FM, tous les endroits où ce que habituellement vous trouvez sur la transversale ou les autres balado-diffusions, les autres podcasts, vous devriez être capable de trouver sur la transversale. Et sinon, mentionnez-le-moi-le et je m'assurerai que vous serez capable de la trouver dans l'avenir très proche. Encore une fois, merci à vous tous. Si vous aimez les balados en anglais qui parlent du soccer canadien, je vous suggère notre balado anglophone à mon co-animateur et moi-même, Dwayne Rollins et moi. Faisons une balado semaine exclusivement sur le soccer canadien en anglais qui s'appelle le Two Solitude Soccer Podcast. Et vous devez être abonné, 2$ par mois, mais vous avez beaucoup de contenu une fois semaine avec nos contacts de la Ligue canadienne, la première Ligue canadienne qui va débuter l'année prochaine. Nos contacts à travers la Ligue nous donnent des informations et on est capable de les partager sur cette émission. Vous allez pouvoir trouver une couverture plus complète de certains autres instants du soccer canadien. Donc, on parle du championnat canadien, la Coupe des voyageurs, on parle de l'équipe canadienne masculine et féminine. Donc, le Two Solitude Soccer Podcast disponible sur Patreon, P-A-T-R-E-O-N, patreon.com/sportspodcastingnetwork. 2$ par mois et vous aurez votre émission exclusive sur le soccer canadien. Encore une fois, je vous souhaite un bon championnat canadien pour ceux qui nous écoutent en direct qui débute dans quelques minutes. Mais jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon soccer.